Salut à tous et à toutes, merci de votre amitié. Avant d'évoquer Noël en compagnie des idoles des années 60, permettez-moi d'avoir une pensée pour les personnes qui sont dans la peine, qui souffrent, aux personnes qui sont seules, aux SDF qui n'ont pas de domicile pour fêter Noël. Je souhaite à tous et à toutes que cette nuit du 24 décembre soit remplie de milliers d'étoiles. Maintenant tout est fini, il faut que je l'oublie. Un ami, ça n'a pas de prix, quand on a des ennuis, quand on a des ennuis. Aujourd'hui tout est fini, il faut que je l'oublie. Oh, oh, oh, oh, il faut que je l'oublie. Mon amour s'en est allé, mais les amis sont restés, pris pour m'aider à l'oublier, je sais. Un ami, ça n'a pas de prix, on a besoin de lui, oh oh oh, oh on a besoin de lui. Écoutez-le quand il vous dit, une de perdu, tant pis, oh oh. Une de perdu, tant pis. Au fond de lui, il n'y croit pas. Il fait semblant rien que pour moi. Au bon moment, il vient souvent pour toi. Un ami, ça n'a pas de prix. Quand on a des ennuis, oh, oh, oh, oh, quand on a des ennuis. L'amour vous a quitté, vous pouvez les appeler, ils seront là, oui croyez-moi pour ça. Un ami ça n'a pas de prix, quand on a des ennuis, oh oh oh, oh quand on a des ennuis. Aujourd'hui tout est fini, il faut que je l'oublie, oh oh. Il faut que je l'oublie, il faut que je l'oublie, oh, oh, oh, oh, il faut que je l'oublie, il faut que je l'oublie, oh, oh, oh, oh, il faut que je l'oublie. Sometimes I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those have the hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart. Since we've been apart, yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. Say, of yesterday. So I'll just live my life of dreams of yesterday. Radio Guémozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Ce soir c'est Noël et moi je regarde le ciel. Tous les gens dans la rue ont l'air tellement heureux. On dit que ce soir-là, si on regarde le ciel, on voit le beau traîneau descendre des cieux. Hey! Très loin d'ici. Hey, dans vos traîneaux, emmène-moi, je deviens fou seul ici. Toi, tu te promènes de maison en maison, ça sent bon l'amour, la dinde et les marrons. Mais moi, je suis tout seul, je marche tout en rond, entre trois assiettes, ça fait purée à plafond. Hey, dans vos traîneaux, emmène-moi, tout seul je vais mourir d'ennui. Hey, même si je ne dors pas souvent, hey, je suis encore un enfant. Hey, dans vos traîneaux, attends-moi, je veux partir. Hey, dans vos traîneaux, emmène-moi, tu verras, je serai gentil. Ce soir c'est Noël et moi je regarde le ciel. Comme les gens dans la rue, je voudrais être heureux. On dit que ce soir-là, si on regarde le ciel, on voit l'homme au traîneau descendre des cieux. Hey, dans vos traîneaux, attends-moi, je veux partir très loin d'ici. Johnny Hallyday, un ami, ça n'a pas de prix. Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Et Claude François, à l'instant, l'homme au traîneau. Un clin d'œil à Noël tout proche. Noël, un moment merveilleux pour les petits et les grands qui attendent avec impatience l'instant précis où ils vont découvrir leurs cadeaux. Noël, une fête que nous évoquerons tout au long de l'émission. Au sommaire de Salut les 60, adaptation contre version originale. Nos trois matchs. Nous évoquerons également le hit parade de septembre 1964 et notre coin du spécialiste aujourd'hui sera consacré au Chat Sauvage, un groupe mythique du début des années 60. Excellente après-midi sur Radio Guémozo, merci de nous accompagner. 1967. Les Bee Gees percent avec Massachusetts. Le designer Kazar Khan élabore la voiture carrée. Yves Saint-Laurent s'inspire de l'Afrique et de ses pailles. Le corsaire des temps modernes, Corto Maltese, naît sous la plume de Hugo Pratt. Les Israéliens foncent en territoire égyptien. La guerre des six jours commence. La violence de Bonnie and Clyde d'Arthur Penn choque. Blow Up d'Antonioni photographie le Swinging London. Dustin Hoffman bouleverse dans le lauréat. Les Américains bombardent Hanoï et Haïphong. L'important. Les Happenings débarquent et... L'important. Otis Redding s'éclipse. L'important. Les plats préparés by Tony sont appétissants. Crois-moi. Fred Zinnemann décroche un Oscar avec Un homme pour l'éternité. Et John Lennon fait sensation avec sa Rolls-Royce. Les hippies découvrent les portes de la perception avec Light My Fire des Doors. Do you like good music? Paris s'émerveille avec le trésor exceptionnel de Toutankhamon. Chapeau melon et bottes de cuir assaillent le petit écran. Le redoutable premier sous-marin nucléaire français prend la mer. Libre. De Gaulle écrit l'histoire. Petit. Jacques Dutronc immortalise le mini-mini. Belle de jour de Buñuel titille l'essence. Édouard Molinaro dirige De Funès dans Oscar. À Washington, l'été de l'amour manifeste contre la guerre du Vietnam. Ne te moque pas de moi. Je sais l'écrire, oui, je sais l'écrire. Tout ce que je n'osais pas t'avouer. Tout ce que cachait ma timidité. Oh oui, j'ose l'écrire. Chérie, je n'aime que toi. Oui, chérie, je n'aime que toi. Au cours de la dernière surprise partie. Je sais l'écrire, oui, je sais l'écrire. Tu m'as souri que cela a suffi. Je sais l'écrire, oui, je sais l'écrire. Et maintenant je ne vois que par toi. Car ton sourire s'est emparé de moi. Oh oui, j'ose l'écrire. Chérie, je n'aime que toi. Oui, chérie, je n'aime que toi. La jolie Evie, j'ose te l'écrire et moi j'ose vous le dire. En septembre 1963, vive émotion dans les milieux artistiques et religieux, à la suite de vols répétés de statuettes de Saint-Nicolas. Heureusement, les temps ont changé, mais à l'époque, les églises de Neuchâteau, Rouvres-la-Chétive, Docelles, Tendon et Darnieulles furent les principales victimes du gang des statues vosgiennes. Seul qui n'ai rien dit, crois-moi, crois-moi,

seule chambre où te rase cette nuit. Toi brillera pour guider tous ceux qui s'en vont dans le froid, à la crèche, à l'orée, l'enfant roi. Noël, c'est aussi dans la ville, le cœur de la foule. Écrire à Radio Guémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Surf revient vite et oublie, ou les Ronettes by Me Baby, adaptation ou version originale sur Radio Guémozo, premier match, premier choix pour vous. The night we met, I knew I needed you so. And if I had the chance, I never. surf ou Léonette, vous avez fait votre choix, et bien c'est parfait. Certains d'entre vous m'ont fait part également du fait que Richard Anthony avait interprété cette version française des surfs également. Chuck Berry, Merry Christmas Baby, et juste après nous évoquerons le hit parade de septembre 1964. Merci de votre fidélité, excellente journée sur Radio Gémozo. Christmas, baby, you really did treat me nice. Merry Christmas, baby, you really did treat me nice. Bought me a hi-fi for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. I've got good music on my radio. Feel so fine. Got good music on my radio. Yes, I wanna hug and kiss you, baby, while you're standing neath the mistletoe. Came down the chimney about half past three, left all these pretty presents that you see before me. Merry Christmas, baby, you've really been good to me. And I will always love you, baby. I'm as happy as can be. Animals triomphe actuellement aux États-Unis comme un peu partout dans le monde. Hardest Night, le film des Beatles, sort en France sous le titre Quatre garçons dans le vent. Un nouveau succès mondial pour John, Paul, George et Ringo. Richard Anthony, lui, s'est offert un avion de tourisme et Billy Bridge part à son tour effectuer son service militaire dans le génie à Avignon. Nous sommes en septembre 1964 et Ronnie Bird, le petit nouveau, classe Adieu à un ami à la 50e place du hit parade. Oh, oh, oh. Yeah. Dans la nuit, j'en serais pris pour te dire adieu, ami. Tu es parti pour un grand pays, mais il est si loin, tellement loin. Wow. Buddy Holly was killed in plane crash in 1959, but his songs will always be remembered, always. Septembre 1964, les petits nouveaux trustent les places dans le hit parade avec 5 places de mieux que Ronnie Bird. Noël Deschamps classe Ça n'est jamais assez à la 45e place du hit parade. À chaque instant, je dois te répéter combien je t'aime, c'est insensé. Plus de 100 fois par jour, crier mon amour, puis à nouveau tout recommencer. Ça n'est jamais assez. Si par hasard je suis sans te parler, juste le temps de respirer, tu me regardes et te mets à soupirer. Et quand c'est fini, il faut continuer. Pour chercher mes mots ou les inventer, quand c'est fini, il faut continuer. Ça n'est jamais assez. Le grand amour, je vais te le prouver. Fallait simplement y penser. C'est un très long baiser et là je suis prêt. Tant que tu veux à recommencer, ça n'est jamais assez. À recommencer, ça n'est jamais assez. Les Gams ont décidé de ne plus être les choristes de Claude François sur scène. Annie Marquand, la chanteuse soliste des Gams, envisagerait de son côté de se lancer dans une carrière solo. Dans les médias, oh, oh oui, le dernier titre des Gams se classe à la 35e place du hit parade de septembre 1964. Il parlait à ses copains. Mais il ne me quittait pas des yeux. Et j'ai pensé qu'il n'était pas bien loin. Ce jour où j'aimerais enfin. Je vais l'aimer. Oh oui, oh oui, oh oui. Aujourd'hui c'est la chance de ma vie. Oh oui, oh oui. Je l'ai su quand ce garçon m'a souri. Demain lorsque je verrai mes amis, je vais leur dire que moi aussi, un bon garçon m'a pris dans ses bras. Je sais que lui des jours il pense à moi. Les Beatles sortent Quatre garçons dans le vent. Robert Stack incarne les incorruptibles. À Chypre, les casques bleus interviennent. Les cendres de Jean Moulin, le héros de la résistance, sont transférées au Panthéon. Joseph Losey étudie les rapports maître-esclave dans The Servant. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants. Schweppes pétille et le téléphérique le plus rapide d'Europe est inauguré à Argentière, au Grand Montais. C'était pas des amis. Mobile se paye un nouveau logo. Les surfs apparaissent. Le scotch invisible également. La star Matador, El Cordobès, est encore née. Vous permettez, monsieur. Docteur Folamour de Stanley Kubrick est adulé. Et bien qu'il me sourie. Et Nehru, le premier ministre indien, est pleuré. C'est payer ta dette. Si tu sens tourner tes idées sans que ça s'arrête, alors demande à un copain une cigarette. T'en fais pas plus, plus, plus. Fais de la fumée sur tout ça. Fais de la fumée. Si bien souvent t'as des belles mois plutôt difficiles, difficiles, plutôt difficiles. Et tant bien qu'il y en a comme quoi des cent et des mille. Des cent et des mille, des cent et des mille. Si tu dois sauter un repas, fais un tour en ville. En ville, fais un tour en marchant, fume, fume, fume. Fais de la fumée sur tout ça. Fume, fume, fume. Fais de la fumée sur tout ça. Au régiment, t'es pas à la noce, t'es pas à la noce, et avec toi ton adjudant est plutôt féroce, est féroce, est plutôt féroce. Il ne faut pas être plus prudent, lui chercher des crosses, cherche des crosses, lui chercher des crosses. Toi et fume, fume, fume, fais de la fumée sur tout ça. Fume, fume, fume, fais de la fumée. Même si tu marches tout droit et que tu es chouette, tu es chouette, et que tu es chouette, et des gens parleront tout bas car tu les embêtes, tu les embêtes. Ne fais pas attention à ça, prends une cigarette, cigarette, prends une cigarette, ne fais pas fume, fume, fume, fais de la fumée sur tout ça, fume, fume, fais de la fumée, t'en fais pas fume, fume, fume, fais de la fumée sur tout ça, fume, fume, fais de la fumée, t'en fais pas fume, fume, fume, fais de la fumée sur tout ça, fume, fume, fais de la fumée, t'en fais pas fume, fume, fume, fais de la fumée sur tout ça. Ils sont 32e, les missiles fume, fume, fume. Durant l'été 64, vous avez dansé dessus. On a la crema sur la viso, le tube de Bobby Solo occupe en ce mois de septembre 1964 la 23e place du hit parade. Lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso, m'han svelato il tuo segreto. Sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi ma come me. Non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te. Avec Lynn Buggy qui a écrit les paroles françaises de House of the Rising Sun, soit le pénitencier, un nouveau hit pour Johnny Hallyday qui décroche d'entrée la première place du hit parade de septembre 64. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. derrière nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, à demain tu peux gagner. Je finirai petits-enfants attendent avec impatience le retour du Père Noël. Oh, pas tous les petits-enfants, parce que moi... Futérusé, que dalle pour Noël. Bien sûr, vous venez de nous rejoindre. Eh bien, merci de votre choix. Les fêtes de fin d'année se rapprochent chaque jour un peu plus. Et bien, nous évoquerons encore Noël, une fête attendue par les petits et les grands. Alors, maître mot, patience. Avec des jouets merveilleux. Dis, monsieur Gordon Cooper, toi qui vas plus haut que l'air, dis-lui qu'une guitare ferait tout mon bonheur. Ou la télé sur la terre, tout le monde est des images, comme dans mes rêves bleus, qu'il n'y ait plus d'orage, que papa soit jamais vieux, lorsque tu seras. C'est pas trop quand se cachera la lune, qu'il cueille au firmament une étoile pour ma maman. été le premier à chanter du rock'n'roll, il a également chanté Noël, Henry Salvador dit Monsieur Gordon Cooper. En 1965, il le crie bien fort et il le chante, et s'il n'en reste qu'un, Monsieur Dee Mitchell sera celui-là. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Guémozo. Oh, dis-moi pourquoi Noël. J'ai le cœur chaud même en hiver Noël. Et pourquoi il bat Noël. Aujourd'hui un peu plus qu'hier Noël. Oh, dis-moi pourquoi Noël. Je n'en vois pas de plus joli Noël. Et dis-moi pourquoi Noël. Pourquoi je n'endors plus la nuit Noël. Allez, dis-moi si c'est ça qu'on appelle l'amour. Allez, dis-moi si c'est lui qui joue un de ses tours. Si c'est l'amour, et au moins qu'il ne fasse pas les coups du Père Noël. Oui, je crois en toi Noël. Mon vieux copain du temps passé Noël. Je compte sur toi Noël. En faisant briller mes souliers Noël. Et comme à toi, on ne fait jamais appel en vain. J'ai pensé que tu pourrais user de tes moyens pour que demain au réveil, je trouve cette poupée dans ma cheminée. Oui, je crois en toi, Noël. Mon vieux copain du temps passé. Noël. Je compte sur toi Noël. Pour la mettre dans mes souliers. Richard cher Anthony, dis-moi pourquoi Noël. Le tout, c'était en 1961. Sur Radio Guémozo, la légende s'écoute en deux versions. D'abord la version française avec Les Cyclones, Le Vagabond. Après la version française, la version originale sur RGM. I roam around the world, 'cause I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around, around, around, 'cause I'm a wanderer. Salut les 60, le plein de nostalgie sur Radio Guémozo. Cristal Dadou Run Run, c'est avec un cœur gros comme ça et avec une barbe blanche que Franck Alamo chante Noël. Je vous fais un paquet cadeau, c'était en 1967. Souvent je repense à l'histoire d'une petite fille. Quand vient Noël. Petite fille qui n'avait pas de jouets, et pourtant, pourtant c'était la nuit de Noël, et comme les autres elle regardait le ciel, toute seule et sans amis, effrayée par la nuit, elle a pleuré, je l'ai vue et je l'ai trouvée si belle, j'ai décidé d'être son père Noël. Avec une barbe blanche, c'est sa beau, oh, oh, oh, oh, avec une barbe blanche. Début 65, les Rolling Stones sortent leur nouveau super 45 tours sur lequel figure entre autres The Last Time. D'ailleurs, les Rolling Stones viennent d'être sacrés meilleur groupe de rock'n'roll du monde par les lecteurs de Disco Revue. Devant les Animals, les Beatles et les Kings. Avouez, il n'y a que du beau monde. Juste après Wanda Jackson, Kansas City, les Chats Sauvages, l'un des groupes mythiques du début des années 60, seront les invités du coin du spécialiste. Merci de nous accompagner, excellent après-midi sur Radio Gémozo. Sure. train, I might take a plane, but if I have to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. Got some crazy little fellas there, I'm gonna give me one. Oh yeah, don't you know, Buster? I'm gonna be standing on the corner, way you street and fine. I'm gonna be standing on the corner, way you street and fine, with my Kansas City baby and my bottle of Kansas City wine. Well, if I stay with that man, I know I'm gonna die. Gotta find a brand new baby, and that's the reason why I'm going to Kansas City. L'été 60 arrive, Hervé, alias Dick Rivers, qui a vu le film Loving You, se fait deux copains jazzeux, les frères Roboli. Ensemble, ils écument plage et surboom de la Côte d'Azur. Après 3 mois de travail acharné dans une cave de la Baie des Anges, le groupe décide de se lancer à l'assaut du succès. Le premier spectacle est donné dans un club niçois où ils sont rétribués 5 francs par tête. Dick Rivers, John et James, puisque maintenant ils ont des ascendances américaines, engagent Gérard Jacquemus comme bassiste dans l'équipe et direction Paris. Là-bas, il se passe d'étranges choses. Nous sommes au printemps 1961. Après une période de vache maigre, une baguette et quelques morceaux de sucre composant l'essentiel des repas, leur persévérance est récompensée par Patel Marconi, qui leur fait signer un contrat. C'est en mai 1961 que sortira le premier 45 tours des Chats Sauvages. Il se vendra à 200 000 exemplaires, un score fabuleux pour l'époque. Puis c'est le retour triomphal au pays où nos 5 amis remportent la Coupe Rock au Vieux Colombier de Juan-les-Pins. Nous en sommes à l'été 61. Après 2 45 tours et un 33 tours 25 cm, Willie Lewis, le batteur qui les avait rejoints au printemps 61, les quitte pour former un nouveau groupe, Les Champions. Fin 1961, les Chats Sauvages ne se remettront jamais du départ de leur batteur. Et c'est à Nantes, au cours de la tournée d'été 62, que Dick Rivers quitte lui aussi les Chats Sauvages pour se lancer dans une carrière solo. Le premier 45 tours des Chats avec leur nouveau chanteur Mike Shannon et leur tube Dernier Baiser, adaptation du See Dead With The Kiss de Brian Island, va propulser une dernière fois les Chats Sauvages vers le sommet des hit-parades. Mais cela ne va pas durer, les disques ne se vendent plus, les galas ne se présentent pas, et Mike et Shannon, lassés, eh bien, ils quittent le groupe au début de l'année 64. C'est la fin des Chats Sauvages, c'est la fin d'un mythe. C'est la fin d'une épopée au cours de laquelle les Chats Sauvages auront vendu plus de 2 millions de disques.

Les Shadows, The Stranger, troisième et dernier match, troisième et dernier choix pour vous, bien sûr. Nous évoquerons encore également d'ici cette heure-là, Noël. Ah, je ne veux pas vivre tout seul. Ah, je ne veux pas vivre tout seul. Eleanor Rigby était la femme que j'ai le plus aimée dans ma vie. Je vous le dis, quel beau souvenir, ses promenades avec elle au fond de son jardin. Nous étions bien, tout me semble triste, moins doux qu'auparavant. Tout me semble triste, moins doux dorénavant. Soudain le malheur frappa chez elle une nuit, c'était en plein hiver. Je ne pus rien faire quand le jour maudit est arrivé, elle a fermé les yeux pour toujours. Mon pauvre amour, tout me semble triste, moins doux qu'auparavant. Tout me semble triste, moins doux dorénavant. Tout ça. Ah, je ne veux pas vivre tout ça. Eleanor Rigby repose ici près du chêne où l'on venait s'aimer. C'était l'été, aujourd'hui encore, je vais prier sur ce tombe où un nom est inscrit. Eleanor Rigby, tout me semble triste, moins doux qu'auparavant. Tout me semble triste, moins doux dorénavant. Eleanor Rigby, la version française, est l'œuvre d'Éric Saint-Laurent. La version originale, c'est dans le répertoire des Beatles que nous allons la retrouver. On entendait à quelques lieues de là un gros bœuf qui ruminait.

love you so, but I still know it's a crazy love. Crazy love. Crazy love. It's just a crazy love. What must I do to get through to you, oh my crazy love? Everything's wrong, heaven above, set me free from this crazy. Don't you see what you are doing to me? You upset my heart right from the start with your crazy love. Crazy Love, à l'instant, c'était Polanka. Avec Jean-Noël Senoël, Hervé Villard ne déroge pas à la règle et fait partie de ces idoles des années 60 qui ont chanté Noël. Il n'y a pas bien longtemps, un tout petit enfant me parlait de Noël. Et le soir en s'endormant, dans son tout petit lit blanc, il me parlait, me reparlait de Noël. Où es-tu mon ami? Où es-tu aujourd'hui? Toi qui me parlais de Noël. Les années pourront passer, je ne pourrai m'empêcher d'avoir une pensée pour toi à Noël. Chant Noël, c'est Noël, je revois nos joies d'enfant. Chant Noël, c'est Noël, je nous revois comme avant. Il n'y a pas bien longtemps, avant que l'on nous sépare, on riait, on chantait à Noël. J'ai pleuré pour ton départ, mais si ce mot arrive à temps, viens me voir cette année à Noël. Chant Noël, c'est Noël, je revois nos joies d'enfant. Chant Noël, c'est Noël, je nous revois comme avant. Où es-tu mon ami? Tu dois avoir grandi. Toi qui me parlais de Noël. Les années pourront passer, je ne pourrai m'empêcher d'avoir une pensée pour toi à Noël. Chant Noël, c'est Noël, je revois nos joies d'enfant. Chant Noël, c'est Noël, je nous revois comme avant. Radio Guémozo, les bons moments ont toujours une musique. Malgré le vent trop fort qui bat nos vies. quand tu es là, là, là, là, là, là, là. Ouh, je ne peux plus me passer de toi. J'ai besoin d'être dans tes bras. Tout s'arrange aussitôt pour moi. Sylvie Vartan, quand tu es là, j'espère que bien vous, vous serez là lundi prochain dès 15h pour la dernière émission de cette année. Et pour citer Monsieur de la Palice, et surtout pour un petit peu d'humour, une fin d'année qui se rapproche chaque jour un peu plus de nous. En tout cas, excellente journée de Noël, que celui-ci comble vos désirs. Salut les 60, merci de votre fidélité et n'oubliez pas que dimanche prochain, de 10h à midi, vous aurez la rediffusion de cette excellente émission. Voilà. Bon Noël à tous et à toutes et à très bientôt. We'll be right back.